Mon âme est salie, et merde, la facture est salée. Faut que je taille d'ici parce que j'ai trop de mal à rester. Celui que j'étais il y a quelques années, j'étais pas étouffé par tous ces sentiments perfides. Et de voir que chaque jour mon état s'aggrave, et que j'arrive même plus à me dire que c'est pas grave. Je m'attraque le mic et tente toujours de viser plus haut, en gardant à l'esprit les 7 péchés capitaux que je commets quotidiennement inconsciemment. Je suis menteur, jaloux, orgueilleux trop souvent. J'cède à la tentation, contrôle plus mes pulsions, désireux d'évasion. V'là le son thérapeutique, la musique, ma clinique. J'me pique au vif les BPM, ma rythmique. T'as compris ce que j'kiffe, faut que j'te le réexplique. Y'a que des rimes que j'm'empile, bientôt j'en remplirai un livre. J'suis pas perdu, et pourtant j'sais pas où j'vais. J'sais pas me confier à autre chose que mon papier. J'voudrais palper mes rêves, pas les voir partir en fumée. Et plus j'grandis, plus j'me dis que j'devrais abandonner. J'suis pas perdu, et pourtant j'sais pas où j'vais. J'sais pas me confier à autre chose que mon papier. J'voudrais palper mes rêves, pas les voir partir en fumée. Et plus j'grandis, plus j'me dis que j'devrais abandonner. Envie de tout péter, putain ce monde me fout la nausée. Ça fait longtemps que la descente aux enfers est amorcée. Santé mentale et physique fébrile, ça se mutile pour oublier que le reste est inutile. Le mutisme peint, j'écoute le monologue du silence. Si je pète un câble, ce sera pas de la faute, à pas de chance. Je mets de la distance avec tout ce qui peut me nuire. Mais pour l'heure, je traîne trop avec mon pire ennemi. On respire la vie pour en cracher la mort. Je me sens peut-être si vide que mes attentes ont tort. À tort ou à raison, ou seul le résultat compte. Et pour se démarquer, obligé de jouer d'écoute. Écoute, pousse, le son à fond dans ce rap, j'arrive en touche. Mais je vais pas dire que je les plie tous. À bout de souffle, j'ai besoin d'un coup de boost. Mon rap c'est pas un coup de schlag, plutôt un coup de blues. Je suis pas perdu, et pourtant je sais pas où je vais. Je sais pas me confier à autre chose que mon papier. Je voudrais palper mes rêves, pas les voir partir en fumée. Et plus je grandis, plus je me dis que je devrais abandonner. Je suis pas perdu, et pourtant je sais pas où je vais. Je sais pas me confier à autre chose que mon papier. Je voudrais palper mes rêves, pas les voir partir en fumée. Et plus je grandis, plus je me dis que je devrais abandonner. Mon âme est cramée, et merde, scousi ça sent le roussi. Scousi si je retire mon pic de mes tripes. Si j'ai ce mal qui m'empêche encore d'avancer. Si mon esprit se noie dans les flammes, j'irai le repêcher. J'irai enterrer mes peines avec une sale mine. J'irai pas oublier leur cause dans la bibine. Devoir de mémoire, rien à faire, tout à fuir. Faire face à nos échecs et surtout à s'en souvenir. Je me rappelle, à l'époque, on était studieux. Moins soucieux, on aimait jouer avec le feu. Certaines choses ont changé et d'autres non. Mais les peurs restent les mêmes, elles ont juste changé de nom. Je décompresse à ma façon, à chaque 16 je me sens mieux. C'est mon truc, je préfère ça que de me crever les yeux. Si le jeu en vaut la chandelle, pourrais tout sacrifier. Pour plus me voir brûler les ailes, trouver un moyen de décoller. Je suis pas perdu, et pourtant je sais pas où je vais. Je sais pas me confier à autre chose que mon papier. Je voudrais palper mes rêves, pas les voir partir en fumée. Et plus je grandis, plus je me dis que je devrais abandonner. Je suis pas perdu, et pourtant je sais pas où je vais. Je sais pas me confier à autre chose que mon papier. Je voudrais palper mes rêves, pas les voir partir en fumée. Et plus je grandis, plus je me dis que je devrais abandonner. Perdu, Asi les Kakma, 2009 pour 2010, le Star Prod, Studio Sem Sem.